trop court. L'amour s'envole, on se console, puisqu'on ne peut pas pleurer toujours, et que notre rêve n'aura duré qu'un jour. Depuis un mois, chaque soir sur la scène, depuis un mois à tes pieds chaque jour, 4 semaines près de ma reine, tout juste un mois, lave de nos amours. Notre amour était un beau rêve, un beau rêve ne peut durer. L'amour s'envole, on se désole.